puis moi les petits enfants. Moi les contents vivent dans l'amusement. Moi t'es pieds pas le temps. T'es moi le premier pour donner le mouvement. Comme là moi la fini grand. La patience et même si le temps l'a passé. Mi brille comme un volcan. Quand mi garde mon public là pour défouler. Moi les pas là pour faire semblant. Pousse le son, écrase à lui vraiment. L'ambiance les siéyer. Donne à lui pour aller. Décalé là, ah la la la, mi vient mi tombe, c'est calé, décalé là. La mi donne mi arrête. Calé, décalé là, ah la la la, mi vient mi foule. C'est calé, décalé là, ah la la la. Calé, décalé là, ah la la la, mi vient mi tombe, c'est calé, décalé là. La mi donne mi arrête. Calé, décalé là, ah la la la, mi vient pour foule. Calé, décalé là, ah la la la la. Fallait pas moi débaisse le bras, malgré difficulté moi la avancer. Zordi ça les mon fierté, mien dans mon voix dans la radio là pour résonner. Dans mon cœur n'a de fait, dans mon corps l'ambiance y commence se fait. Moi les pas là pour faire semblant, pousse le son, écrase à lui vraiment. L'ambiance les siéyer, donne à lui pour aller. Décalé là. Calé, décalé là. Ah la la la, mi vient, mi donne. C'est calé, décalé là. La mi donne, mi arrête. Calé, décalé là. Ah la la la, mi vient pour foule pas. Calé, décalé là. Ah la la, ah la la. Allah mi donne mi arrête pas. Allah mi vient pour le fire.